Et pas le moindre distributeur Ford à l'horizon. Pouh, et l'horizon c'est loin. Oh oui, c'est loin. On s'en va ? On s'en va. Eh oui, résister à la très belle finition sportive ST-Line des Ford Fiesta, Focus et Mondeo aux performances des du 15 au 30 septembre chez votre distributeur Ford, ce sera une vraie performance. Ford, go further. Plus d'infos sur Ford.be. Le 8-9 commence maintenant avec Benjamin Maréchal. Salut tout le monde et bienvenue. Heureusement qu'il y a la semaine pour se reposer parce que le week-end était crevant. Vous étiez au Beauvélo de Ravel hier, Jérôme de Warzé. Alors j'y étais, j'ai rencontré Yvan Mailleur, nous avons discuté de la problématique du piétonnier. Vous avez réglé le truc ou pas ? Alors écoutez, c'est en discussion. Non, ok. Vous étiez aux fêtes de Wallonie ce week-end, Thierry ou pas ? Thierry Luters. J'étais surtout à la fête du foot, hein, tous les jours. Vous savez que le week-end c'est bon, c'est là que je travaille. Quoi. Ah oui, mais donc vous avez eu de la bière en gobelet aussi, sans les fêtes de Wallo, mais au foot vous avez eu. Voilà, avec le sandwich, mal beurré, enfin la routine. Quoi. La routine. Vous étiez auquel des deux, donc c'était journée sans voiture à Bruxelles, ou fête des Wallos, Sarah de Padua. Aucun des deux, j'étais en Wallonie, j'ai fait la fête, j'ai des amis. Ah voilà, donc ça c'est un petit peu un raccourci. Et vous Benjamin, vous avez fait quoi ce week-end? Eh ben, j'ai fait un peu des deux, voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'heureusement qu'il y a la semaine pour se détendre un peu. Vous remarquerez que l'information est toujours... reléguée au second plan. Voilà. Bonjour. Qui viendra ? Nathalie Servet, Christophe Grandjean ? Quel suspense, quel suspense ! Qui est resté calé Nathalie, sous un péquet ? Vous le saurez dans 40 secondes. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, d'Engie Electrabel. Ça a été votre week-end, Caroline Gillet ? Oh, malheureux ! Oh, pardon ! Et en plus, je parle fort avec ce mal de tête. La météo, Caroline ! Ah, la météo ! Eh bien, on va avoir une alternance entre éclaircies et passages nuageux aujourd'hui et pour les jours suivants aussi. Cet après-midi, on aura peut-être une petite ondée passagère sur l'extrême ouest du pays ou alors sur l'Ardenne. Côté température, ça chute un petit peu par rapport à hier, entre 15 et 16 degrés sur les hauteurs. Le maximum pour le centre du pays avec une vingtaine de degrés. Temps calme et sec encore pour cette nuit, des minima de 8 à 13 degrés. Même type de temps demain avec des températures stationnaires. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin avec Nathalie Servet, la lecture de l'acte d'accusation et l'interrogatoire de Bernard Westphal aujourd'hui à la cour d'assises du Hainaut. Oui, après la constitution du jury jeudi dernier, le procès de l'ancien député wallon commence réellement aujourd'hui. Il va durer 3 semaines. Les jurés vont devoir dire si oui ou non Bernard Westphal a tué son épouse, Véronique Piroton, il y a 3 ans dans une chambre d'hôtel à Ostende. Fabrice Gérard nous expliquera dans un instant les enjeux de ce procès. Volkswagen n'est pas le seul à avoir triché. D'autres constructeurs ont trafiqué leurs moteurs diesel pour respecter les normes environnementales. En réalité, leurs voitures polluent jusqu'à 3 fois plus que ce qui est annoncé. Cette triche des constructeurs a induit plusieurs milliers de décès par an en Europe depuis plusieurs années. Ceci doit être dit parce qu'en fait, il s'agit vraiment d'un problème de santé publique gravissime. C'est la rentrée universitaire. Nous verrons que certains étudiants n'ont pas choisi un COT, mais ont préféré loger chez une personne âgée. Aux États-Unis, encore beaucoup de flou après les attaques de ce week-end dans le Minnesota et à New York. Des attaques qui replacent la sécurité au cœur de la campagne présidentielle. En football, Anderlecht ne lâche rien et le Standard semble confirmer sa bonne forme. C'est donc parti pour 3 semaines de procès aux assises du Hainaut. Oui, le procès de Bernard Westphal entre aujourd'hui dans le vif du sujet. L'avocat général va lire ce matin l'acte d'accusation. Il devrait également interroger une première fois l'ancien député wallon, Bernard Westphal, qui est donc accusé d'avoir tué son épouse Véronique Piroton. C'était le 30 octobre 2013 dans une chambre d'hôtel à Ostende. Fabrice Gérard, vous êtes à Mons devant le palais de justice. Vous suivez ce procès pour Vivacité. Alors aujourd'hui, c'est donc le premier jour du procès. C'est un jour important. Oui, effectivement, Nathalie, on va pouvoir véritablement entrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Rappelez-vous, la semaine dernière, il y a eu la constitution du jury. Et à ce moment-là, bien, Bernard Westphal avait dit qu'il réserverait ses déclarations et ses explications à la cour d'assises. Et c'est donc aujourd'hui le jour J pour Bernard Westphal. Alors, très concrètement, l'audience va commencer par la lecture de l'acte d'accusation. C'est l'ensemble des éléments à charge de Bernard Westphal. Cet acte d'accusation sera ensuite suivi d'un acte de défense. C'est assez exceptionnel. Et là, c'est l'avocat de Bernard Westphal qui prendra la parole et qui essayera de démonter point par point la thèse du ministère public. Viendra ensuite le moment extrêmement attendu par l'ensemble des suiveurs de ce procès exceptionnel. Ce sera, comme vous l'avez dit, l'interrogatoire de l'ancien député wallon. Alors Fabrice, on le sait, la tâche des jurés ne sera pas simple. Quels sont exactement les enjeux de ce procès ? Eh bien, il y a deux thèses hein, qui s'affrontent. Il y a une thèse qui est portée par le ministère public et par le clan de Véronique Piroton, l'épouse de Bernard Westphal. C'est la thèse du meurtre, hein, du meurtre par étouffement. Et cette thèse-là, eh bien, elle est contredite par la défense, par le clan de Bernard Westphal, qui considère que c'est l'abus d'alcool et de médicaments qui a provoqué la mort de Véronique Piroton. Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui pourraient être utilisés, un certain nombre d'éléments à décharge, comme par exemple l'imprégnation alcoolique de Véronique Piroton le soir des faits, hein, 3 grammes d'alcool par litre de sang, ce qui est assez conséquent. Et donc, c'est ces deux thèses-là hein, qui vont s'affronter durant 3 semaines ici. Les 12 jurés de la cour d'assises vont devoir trancher. Alors, s'il est reconnu coupable de meurtre, eh bien, Bernard Westphal, Nathalie, risque 30 ans de prison. Merci Fabrice Gérard en direct de Mons avec l'aide technique de Denis Silvaï-Proveda et Cosimo Franci. L'homme arrêté vendredi lors d'une série de perquisitions à Schaerbeek, Liège et Arnhem a été placé sous mandat d'arrêt. Il est inculpé de chef de participation aux activités d'un groupe terroriste. Il avait proféré des menaces d'attentat sur la messagerie Telegram. Sa compagne a été inculpée du même chef d'accusation mais remise en liberté sous condition. Alors que nous sommes en pleine semaine de la mobilité, voici un rapport qui va faire du bruit après le scandale du Dieselgate. Oui, le Volkswagen n'était donc pas seul. D'autres constructeurs automobiles ont dépassé et dépassent encore des normes anti-pollution de leurs moteurs diesel. C'est ce qu'affirme aujourd'hui une ONG environnementale. D'après Transport et Environnement, quelques 30 millions de véhicules seraient concernés en Europe, Lionel Denebourg. Oui, et rien qu'en Belgique, 1 400 000 véhicules qui polluent plus que lors des tests officiels en laboratoire. VOE n'était que la pointe de l'iceberg. Quasiment toutes les marques sont concernées et dépassent les limites tolérées d'oxyde d'azote. La majorité rejetterait en moyenne 3 fois plus que le seuil autorisé. Alors comment trichent les constructeurs ? 2 exemples, soit la voiture reconnaît qu'elle est en phase de test, soit le système de recyclage de gaz se coupe après 21-22 minutes. Alors qu'un contrôle officiel dure, lui, 20 minutes. Mais pourquoi tricher ? Quel est l'intérêt des constructeurs ? Eh bien, ça permet d'améliorer les chiffres de consommation officielle de carburant, d'après l'ONG Transport et Environnement. Et puis, si le système de recyclage fonctionnait en permanence, eh bien, ça coûterait beaucoup, beaucoup trop en entretien à charge du propriétaire du véhicule. Alors, que peut-on faire, Lionel ? Remettre de l'ordre dans tous les organes de régulation, parce qu'aujourd'hui, c'est le fourre-tout, c'est ce que dit Pierre Courbe d'Inter Environnement Wallonie. Imaginez par analogie un coureur cycliste qui choisit le laboratoire qui va réaliser ses analyses d'urine, qui paye ce laboratoire lui-même et qui, une fois ses résultats obtenus, va se faire reconnaître comme étant clean auprès d'une autorité nationale, celle de son pays si possible. Donc il manque vraiment une unité centralisée en Europe pour mettre un petit peu d'ordre dans tout cela. Et d'après l'ONG qui publie le rapport aujourd'hui, chaque année en Europe, plus de 70 000 personnes meurent prématurément à cause de l'oxyde d'azote. Merci Lionel. Lionel Denebourg avec Dominique Delal. Et puis toujours à propos de voitures, ou plus largement de mobilité, comment rendre le transport en commun plus fluide, plus rapide et plus régulier ? Eh bien, il y a des années, la STIP et la région bruxelloise ont choisi d'équiper les bus et les trams d'un système de télécommande qui leur donne la priorité au carrefour. Alors, dans les faits, est-ce que cela fonctionne ? La télécommande des feux a-t-elle permis au tram, par exemple, de gagner du temps ? En cette semaine de mobilité, Véronique Fievé s'est penchée sur cette question. Nous sommes dans le tram 25. La ligne est équipée du système de télécommande. Mais au carrefour, entre l'avenue Rogier et la chaussée de Hacht, le tram s'arrête. Le feu passe au vert, puis au rouge, puis de nouveau au vert. Et la télécommande des feux n'y aura rien changé. Thomas Hermans est géographe et chercheur à l'université Saint-Louis. Il est co-auteur d'une étude sur l'efficacité de cette technologie. On voit que le trafic en voirie aujourd'hui grève encore très fort l'efficacité de la télécommande des feux sur les lignes qui sont très peu protégées du trafic automobile. Sur la ligne de bus 95, par exemple, la télécommande des feux n'aurait permis de gagner que quelques dizaines de secondes par trajet. Aux heures de pointe, les véhicules restent englués dans le trafic. La faute à une certaine frilosité politique, selon les chercheurs. La mise en œuvre du projet est encore très fortement soumise à la préservation de la capacité automobile en voirie, c'est-à-dire mettez en œuvre la télécommande des feux, mais dans les limites de l'acceptable. Cette politique, on voit qu'elle marque ses limites. Le succès mitigé de la télécommande des feux serait donc le reflet d'une politique de petits pas, le reflet aussi de la difficulté de donner une vraie priorité au transport public. La rentrée aujourd'hui encore pour les étudiants du supérieur. Cette fois. Certains ont déjà repris le chemin des auditoires la semaine dernière, d'autres le font aujourd'hui. C'est le cas notamment à l'université de Bruxelles. L'occasion de parler du mode de logement un peu particulier, les cotes intergénérationnelles. Le principe est simple, un étudiant s'installe chez une personne âgée. Cela permet aux personnes âgées de continuer à vivre chez elles et aux étudiants de se loger pour pas trop cher. Baptiste Dupin a rencontré Marie-Louise Beaujean, habitante de Woluwe-Saint-Pierre en région bruxelloise, et Laura Vaquatem, son étudiante. C'est une présence. C'est très agréable, un va-et-vient, tiens, elles montent, tiens, elles ne sont pas là. Ah oui, c'est vrai, elles ont pris congé. Tout ça, ça m'occupe l'esprit, si vous voulez. C'est comme mes enfants. D'ailleurs, je les considère comme mes filles. Ce qui m'a vraiment séduit, c'est les liens qu'on peut nouer avec quelqu'un qui n'est pas de notre génération et avec qui on peut parler d'expérience. Justement, Madame Beaujean, l'autre dame chez qui j'étais l'année dernière, elle raconte des voyages, elle raconte des choses parfois un peu plus familiales. C'est vraiment agréable. Et de plus, je trouve ça agréable d'être dans un logement qui est bien aménagé, qui est plus spacieux, qui est vraiment plus confortable qu'un cote normal. Et c'est vrai qu'ici, pour mes deux dernières années donc d'études en master, ça rend la vie un petit peu plus facile. On ne s'en rend pas compte. C'est plus chouette. Les rencontres signées Baptiste Dupin. Ces logements intergénérationnels sont gérés par l'SBL. Un toit, deux âges. Aux États-Unis maintenant, toujours beaucoup de questions après les trois attaques survenues samedi. Oui, il y a notamment l'explosion d'une bombe à Manhattan qui a fait 29 blessés. Selon le gouverneur de l'État de New York, il n'y a rien qui prouve la piste du terrorisme international. Cette piste est en revanche privilégiée pour l'attaque au couteau qui a fait 9 blessés, cette fois dans le Minnesota. Attaque d'ailleurs revendiquée par le groupe terroriste État islamique. Alors malgré le flou autour de ces attaques, on peut dire, Julien Geffretto, qu'elle replace la sécurité au cœur de la campagne présidentielle. Ah oui, pour Donald Trump, il n'est pas question d'attendre les résultats de l'enquête. Je dois vous dire que juste avant que je descende d'avion, une bombe a explosé à New York et personne ne sait ce qui se passe exactement. Mais mes amis, nous vivons une époque, on a intérêt à être ferme, très très ferme, et mettre un terme à tout ça. Et même si on ne sait pas à quoi tout ça fait référence, les solutions de Donald Trump, elles, on les connaît bien depuis la tuerie d'Orlando. C'était en juin dernier. Il se présente comme le candidat du retour à l'ordre. Alors, fermeture des frontières aux personnes originaires de certains pays, ou plus précisément à celles qui sont de confession musulmane, ou encore l'arrêt net de l'accueil des réfugiés syriens. Voilà les remèdes que propose le candidat républicain. Tout autre ton et tout autre commentaire chez la candidate démocrate Hillary Clinton. Je crois qu'il est toujours plus sage d'attendre jusqu'à avoir des informations avant de tirer des conclusions. Nous ne sommes qu'aux premières étapes de l'enquête. Voilà la carte du sang-froid et de la tempérance pour celle qui préfère valoriser ses 25 ans d'expérience politique et qui aime à rappeler qu'elle se trouvait dans la salle de crise de la Maison-Blanche lorsque a eu lieu le raid secret contre Ben Laden, c'était en 2011. Oui, mais est-ce que la prudence est payante? Eh bien, selon les derniers sondages, les Américains restent partagés. Ouais, merci Julien pour cette analyse. Et la sécurité reste maximum à New York où s'ouvre ce soir l'Assemblée générale des Nations Unies. Les dirigeants de 193 pays vont notamment se pencher sur le sort des réfugiés. Et c'est en partie sa politique d'ouverture aux réfugiés qui est sanctionnée. Le parti d'Angela Merkel a subi un nouveau revers électoral. Il n'a remporté que 18% des voix lors des élections régionales à Berlin. C'est son plus mauvais score. L'extrême droite fait, elle, son entrée au Parlement régional avec 14% des voix. Il est 8h11 et c'est le 8-9 Sport. Week-end gagnant et pour Anderlecht et pour le Standard. Oui, les deux clubs se sont imposés en déplacement hier, même si Anderlecht a souffert, Jérôme Elguersin. Victoire 0-2 à Genk après un match très agréable. Énormément d'occasions des deux côtés. D'ailleurs, Genk ne méritait pas de perdre. Analyse partagée par le défenseur anderlechtois Olivier De Skacht. On a eu un peu de chance, hein, on doit être honnête. Et après le match a tourné. Heureusement... Dans notre sens. C'était une très belle rencontre de football. Oui, des occasions des deux côtés. Je pense qu'on a aussi quelques occasions. Oui, c'était un très beau match. Et ouais, nous sommes très heureux qu'on a gagné. Le nul n'aurait pas été un peu plus logique? Parce que Genk a aussi eu des occasions. Je suis honnête, on peut perdre. Mais voilà, ça c'est le foot, c'est la beauté de foot. Ça peut aller vite dans les deux sens. Interview Ebi Brouzakis. En 7 matchs de championnat, Anderlecht reste invaincu. Les Mauves sont deuxième du classement, un point derrière Zulte Waregem. Oui, le Standard fait lui son entrée dans le top 6 après sa victoire 0-1 à Lokeren. Les Rouges sont cinquième après 3 matchs avec le nouvel entraîneur. Le Standard version Jankovic a signé 2 victoires et un partage en Coupe d'Europe. De bons chiffres et une bonne attitude des joueurs sur le terrain. Coach Jankovic débrief le match de son équipe. On a fait une première mi-temps où on n'a pratiquement rien donné à Lokeren, où on a dominé, où on a manqué un peu de précision dans le dernier tiers du terrain. Mais dans l'ensemble, on était stable, on était bien, on contrôlait les deuxièmes ballons. Mais c'est toujours 0-0 à la 70e. Oui, mais il faut être patient. Le match, c'est 90 minutes et nous, on savait qu'au fil du temps, ils vont de plus en plus reculer. On a su concrétiser une de nos occasions. En deuxième mi-temps, même, on s'est créé quelques occasions vraiment nettes. Et c'est aussi important à souligner qu'aujourd'hui, Lokeren ne s'est pas créé une occasion. Ce n'est pas la première fois. Donc ça, c'est encourageant, mais on doit continuer à travailler. Alexander Jankovic au micro de Pierre Deprez dans le dernier match de cette 7e journée. Ostende a battu Gand 1-0. La flamme paralympique s'est éteinte cette nuit dans le stade Maracana Rio, Brésil. Après 11 jours de compétition, les Belges ramènent 11 médailles au pays. C'est Tokyo qui organisera les prochains Jeux en 2020. Et enfin, il entre dans l'histoire des Emmy Awards, les Oscars de la télé. Game of Thrones a une nouvelle fois été sacrée meilleure série cette nuit à Los Angeles. Après 18 prix reçus depuis son lancement, cette série médiévale et fantastique devient la plus récompensée de l'histoire de la télé. Oh, quel puits d'inculture je suis, j'ai même pas vu un épisode en entier de Game of Thrones, Jérôme. J'en ai pas vu un. Ok, Thierry. Pas mieux, mais j'ai vu tous les épisodes depuis Peter le Dauphin. Attendez, c'est plus un puits d'inculture. Vous ne connaissez pas. Donc, c'est génial, il y a une mère dragon par exemple. Sondage, une personne sur 5 a vu un épisode de Game of Thrones autour de la table. Autant vous dire que c'est un océan d'inculture. Culture, donc. Essayons de refaire notre culture générale tout à l'heure. Vous avez peut-être regardé The Voice Kids samedi soir à la télévision. Il y avait dans The Voice Kids un Belge de Gerpin qui a 14 ans. Il s'appelle Amani Pichi. C'est lui qui a chanté ça samedi. Oh, les deux buzz que vous entendez, c'est Jennifer qui se retourne, c'est Patrick Fiori qui se retourne. Lequel vous auriez pris dans ces deux coachs-là? Fiori, comme lui. Excusez-nous de vous déranger, bien sûr. Non, non, elle a longtemps réfléchi, elle a cru qu'il y avait un piège. C'était entre Non, c'est Jennifer, c'est ça. Non. Moi, j'aurais pris M. Pokora, mais il ne s'est pas retourné. C'était entre Jennifer et Fiori. Et voilà, c'est pour ça. Laissez tomber, je vous rappelle, c'est pas grave. 8h15, cactus. Jérôme, hier dimanche, c'était la semaine de la mobilité oblige, le dimanche sans voiture à Bruxelles. Mais oui, et figurez-vous que d'impénitents râleurs fustigent encore ce beau projet citoyen. Les initiatives écologistes sont décidément mal acceptées dans ce pays. C'est pareil pour les journées sans train organisées par la FGTB, vous voyez, ou les journées sans avion organisées par Belgo Control. Bonjour, Rui Mandech, Allemayer en Allesemel. Une énorme réussite, une journée parfaite, c'est en ces termes que le ministère de la mobilité a défini la journée d'hier. Je perçois votre trouble, mais je vous le confirme, il y a un ministère de la mobilité à Bruxelles. Je sais. C'est aussi paradoxal qu'il y a un ministère des droits de l'homme en Corée du Nord, mais que voulez-vous, il existe. J'ai vérifié. À mon avis, les seuls salariés temps plein sont les gens de ménage. Sinon, il faut quand même m'expliquer à quoi ils passent leur journée. Enfin, on a aussi un ministère de l'égalité des chances, un ministère de l'emploi et un cabinet à la simplification administrative. Donc, la Belgique est un pays où non seulement certains ministères engagent des gens qui n'existent pas, mais qui ensuite peut se targuer de posséder des institutions fictives. Alors, je me suis rendu au Ezel hier après-midi. C'était le départ du beau vélo de Ravel. Dernière étape du Gériatrie Tour of Wallonia. Beau vélo, dirigé par l'indécrottable Adrien Jovenot. Vous êtes de plus en plus vieux sur le Ravel, mais de moins en moins nombreux à participer. C'est la fête, c'est la Wallonie qui avance. Merci à nos partenaires DHEA, Sonoton, Della, ainsi qu'à notre principal sponsor Stana, leader mondial du Mont-Escalier en fauteuil électrique. À noter que, alors, Viagra s'est retiré, si j'ose dire, Thierry, n'est-ce pas ? du partenariat du Beau Vélo l'année dernière. Trop d'accidents. Beaucoup de cyclistes étaient trop tendus au départ, ainsi qu'à l'arrivée de la course. Yvan Mayer était là également. Ben, vous pensez, un piétonnier de 160 km². Les tentacules du monstre s'étendent désormais jusqu'aux confins des frontières de la capitale. Bon, le monstre, c'est le piétonnier. Pas. Enfin, après une vigoureuse poignée de main avec le bourgmestre, je l'ai titillé gentiment. Vous me connaissez ? Alors, monsieur Mayer, aujourd'hui, c'est le seul jour où tous les tunnels sont ouverts. Ah ! 2 minutes plus tard, j'avais 5 flics à vélo qui me coursaient dans le parc royal. Bon, heureusement, ils ont abandonné assez vite, rattrapés par leurs consignes du jour. Ils avaient mission de procéder à des contrôles de vitesse. Yeah. Jour de la journée sans voiture. Beaucoup de filets néanmoins. Deux contrevenants flashés à 145 km/h dans le centre de Bruxelles. Deux cyclistes, des Russes. Des ados en trottinette à contresens sur des bretelles d'autoroute, des taxis à 80 km/h sur les grands axes de la capitale, des piétons qui caillassent les véhicules circulant sur les avenues, les conducteurs exhibant tous leurs majeurs à la fenêtre sur la durée du trajet, des enfants jouant à cache-cache dans les anfractuosités des tunnels. La ligne d'appel de Child Focus est d'ailleurs saturée ce matin. 358 fractures du col du fémur, 624 traumatismes crâniens et un tram toutes les 6 heures. Une réussite. Totale donc, rehaussée par la présence de la reine Mathilde et du roi Philippe. Hein. Ouais. Blanche-Neige et dormeur premier. Hein. Le roi Philippe, toujours aussi concerné par les événements, dit « Mathilde, c'est quand même insupportable cette journée. Les cyclistes font tellement n'importe quoi avec leur vélo, les gens n'osent même plus sortir avec leur voiture. Ça ne serait pas mieux sur Bruxelles d'avoir ne fût-ce qu'une seule nuit sans avion. Qu'est-ce qu'elle fout Jacqueline Galland ? Ah, elle a été remerciée. Comment ça remercier ? Après tout ce bordel, on lui dit merci. Et Margame pour le nucléaire, on va devoir lui offrir des fleurs à vie alors. Le roi Philippe, toujours aussi smart et espiègle, smart car il pédalait dans un 3 pièces très moderne, emprunté au Théâtre Galerie lors d'une pièce de Sacha Guitry. Et espiègle car il n'hésite plus, et devant les caméras de Place Royale encore bien, à chevaucher en public sa petite reine. Une journée sans voiture qui deviendra provisoirement la norme un peu partout. En Belgique, un nombre croissant de citoyens n'ayant bientôt plus vraiment les moyens dignes d'en acheter une, ni encore moins de payer le carburant qui la fera rouler. Sans parler du nouveau scandale sur les moteurs truqués et tout. Mon Dieu, monsieur Maréchal. Dieu. Le monde tourne mal, madame Depardieu. Le monde tourne mal. J'ai posé la question à mon garagiste quand j'ai acheté ma voiture, et c'est truqué ou pas ? Il y a eu 3 petits points. Quoi. Je pense qu'on est tous dans le bateau. Alors vous, toujours les questions qui dérangent. J'ai un emploi pour vous. Faites quoi, signez ici. Vous avez des questions qui dérangent, monsieur Luthers ? Ah, ben j'ai un emploi pour vous aussi. 8h20, c'est ça le 8-9? Vous souhaitez garder de l'argent pour vos enfants ou pour cette ville-là dont vous rêvez tant? Investir, parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. On va sur la route à 8h20 avec Serge, notre motard Europe Assistance. Serge, rebonjour, comment ça roule? Et on continue à parler de mobilité. Alors c'est étonnant, quand on regarde les voitures, effectivement, il y a une personne par voiture dans environ 90% des voitures. Hein. Bon, c'est un petit peu la cause des gros embouteillages. Alors, des embouteillages, il y en a quelques-uns dans le secteur du boulevard de la Volue, là où je suis maintenant, chaussée Douvin, au lieu de Saint-Étienne. On a beaucoup de monde. On a un véhicule en panne dans le tunnel Léopold II, direction le Midi. Hein. Donc voilà, beaucoup de monde également. Et sur les autoroutes, c'est fort dense, notamment sur les 411 déjà. Depuis Rosières. Merci Serge, restez prudent sur votre moto. On vous rappellera tout à l'heure après le journal bruxellois de 8h30, aux alentours de 8h36. En attendant, côté météo, on va encore pouvoir profiter d'un temps sec, des températures de saison jusqu'à 19-20 degrés pour ce lundi 19 septembre. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Ce dimanche sur Vivacité, c'était encore une fois complètement foot. C'est possible. Pour réécouter les meilleurs moments de l'émission, rendez-vous sur vivacité.be. Le 8-9 continue dans un instant avec Benjamin Maréchal. Jaguar présente le Art of Performance Tour. Du 12 au 24 septembre. Réveillez vos sens avec un essai inoubliable. Installez-vous dans une Jaguar XE et laissez-vous surprendre par son confort, ses hautes performances et sa faible consommation. Temporairement, à partir de 299 € par mois en leasing, 3 ans d'entretien inclus. Réservez vite votre essai inoubliable chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar.be. Jaguar, the art of performance. Etias, bonjour. Bonjour, je viens de rentrer dans le pare-choc d'une camionnette. Est-ce qu'il y a des blessés? Non, mais par contre, ma voiture ne roule plus. Ah, ne vous inquiétez pas, on vous envoie une dépanneuse, elle sera là dans moins de 30 minutes. 30 minutes? Mais c'est rapide, ça. Oui. Non, mais c'est que la nana qui conduisait la camionnette, elle est pas mal du tout. Vous avez 30 minutes. Oh là là. Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. Vivacité présente, en partenariat avec les AP Assurance, l'échappée belge. Sur les petites routes de Provence et à travers les plus beaux coins du Luberon, d'Apt à Forcalquier, en passant par Manosque, Cavaillon, Roussillon et une arrivée le 27 septembre au Théâtre des Dons en Avignon. L'échappée belge, avec la complicité des voyages SNCF.com, à suivre tous les jours de la semaine à 14h et le samedi à 16h. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Tout à l'heure, le regard sport avec Thierry. On parlera 2 secondes de tennis, puisqu'il y avait des matchs de Coupe Davis ce week-end. Vous mettez qui à l'honneur en tennis? Je vais quand même mettre Steve Darcy pour son exemplaire longévité, parce qu'il y a 11 ans qu'il joue avec l'équipe belge de Coupe Davis, il est toujours là. Et donc, pas M. Goffin? Pas M. Goffin, c'était plus attendu. Darcy, ouais. C'est un joueur qui fait un petit peu le yo-yo avec le top 100 mondial, vu ses blessures récurrentes. Bon, pas M. Darcy tout à l'heure, mais pas M. Goffin alors. Vous voulez jouer au Kikadi? Une citation à identifier, il y a un cadeau à la clé, et vous imposez un mot à Jean-Luc Fong pour le live de vendredi. Inscrivez-vous dès maintenant. On a acheté toutes les vieilles inscriptions à la poubelle et on recommence à zéro. Kikadi 3063 SMS, vous indiquez « Je veux jouer », puis votre nom, votre prénom, ainsi que vos coordonnées complètes. On s'appelle tout à l'heure et vous remporterez un cadeau... Quoi ? De prestige. Je dis bien de prestige et je pèse mes mots. Un mug ou pas, à deux anses. Peut-être bien un mug à deux anses qui permet de boire et le café... Et le thé. Et le chocolat chaud. Trois usages, la maison. Gaucher pour gaucher et droitier. Attention. 8h25, le Zap Télé. Sarah, qu'est-ce qui est bien fait? Ça s'appelle un calimat. Zap Télé, télépro.be. Proposé par Télépro, effectivement, c'est une grande étude sérieuse, hein, parce que accompagnée par le CSA ou encore une ou deux universités, 2000 personnes ont été interrogées par rapport à la qualité des émissions télé. On connaît les audiences, où là, ce sont les chiffres, les parts de marché, le nombre de téléspectateurs. Là, c'est vraiment sur la qualité du produit. 2000 personnes interrogées, je vous l'ai dit, 7 catégories. Et dans la catégorie série française, francophone, entendez bien, ouais. Attention, ça détrône. Vive les séries belges. On a Ennemi Public qui détrône Joséphine Ange Gardien. C'est pas vrai. Deuxième position. Et en troisième position... Je l'ai bien joué ou pas? Est-ce que je voulais jouer un peu la surprise? Est-ce qu'on peut la remettre? Parce que... Franchement, on sort les 4 ans de conservatoire. C'est de l'acteur studio. Non, je voulais mettre un peu de surprise. Deuxième chance pour vous, Benjamin, ouais. Parce que La Trêve met Plus belle la vie en dehors du podium. C'est pas possible. C'est pas possible. Enfin. Ennemi Public, La Trêve, dans le top 3 des séries de qualité en langue française, devant les séries françaises, c'est pas mal du tout. Devant Plus belle la vie, sérieusement, vous avez lu dans le bon sens le classement. J'espère. Attendez. Mais je veux être sûr. Je doute de mes infos. La Trêve. Ah ben non, vous avez raison. Les séries du fond, RTBF1, La Trêve et Ennemi Public, cette dernière détrône même la reine Joséphine Ange Gardien. Quant à La Trêve, elle pousse Plus belle la vie hors du podium. La naine, pas la reine. Et dans la catégorie divertissement. Qui fait du divertissement autour de la table? Benjamin Maréchal, essentiellement. Ah non, de 9h à 11h. Monsieur Cactu? Il y a le gros cactus, oui. Et Pirette, quand même, qui fait toujours bon ménage aussi. Donc ouais. Qui est premier, qui est deuxième? Là, vous ne donnez pas le podium. Donnez pas le classement, là. Ils sont dans le top 3. Non, voilà. Je ne sais pas, ce n'est pas écrit. Oh. Attendez. Et alors, donc, dans les magazines d'information... Ça n'est pas c'est écrit. Je vais aller voir sur sa feuille. Allez-y, reprenez-lui ça directement. Je vais voir sur sa feuille, c'est bizarre. Je vais quand même vous raconter l'envers du décor. Non, elle n'a pas. Je suis là avec toutes les feuilles et tout ça. Avec le web et tout. Et juste avant de faire le Zap Télé, je dis à Benjamin... ce sera court parce que je me suis trompé d'année. Oui. C'était 98, donc on est un peu en avance. Mais ce que je vous ai dit là, ce sont les dernières infos qui viennent de tomber. Ne vous inquiétez pas. Dans un instant, Nathalie Servet va nous rappeler les titres de 1957, du 20 novembre, du 20 septembre. Ça changera un peu. 19. Merci encore de suivre les informations. C'est juste dans un instant, le rappel des titres, mais les vrais. Salut, c'est Marion. Salut, c'est Julien. C'est Stéphane. Et vous êtes bruxellois sans doute? Ou non, peut-être. En tout cas, on a rendez-vous. Un grand rendez-vous. Non, un gros rendez-vous. Ah oui, un rendez-vous. Des

pour négocier en direct et pour qu'une négociation en direct puisse se passer entre les groupes de la majorité et de l'opposition et les représentants de son cabinet. Des modifications substantielles sont amenées au texte sur la question de la participation citoyenne. C'est du jamais vu, je pense. Lors du vote, Écolo compte s'abstenir. Le MR votera contre. Et justement, pour cette rentrée politique, Rudy Vorwurt, le ministre-président PS, ouvre le front du grand débat sur l'organisation de Bruxelles. Faut-il réformer la région bruxelloise ? Les partis flamands remettent fréquemment la question à l'agenda. Fusion des communes, fusion des polices, etc. Mais cette fois, Myriam Ball, c'est le patron de Bruxelles lui-même qui ouvre le débat. Il faudrait moins d'élus à Bruxelles, déclare Rudy Vorwurt dans le journal Le Soir ce matin. Moins d'élus communaux. Pas de raison que leur nombre augmente comme la population, dit-il, puisque le territoire, lui, reste identique. Et puis à la région aussi, il faudrait moins de députés, dit le ministre-président. 75, comme en Wallonie, au lieu des 89. Et cela sans toucher à la très sensible représentation garantie des néerlandophones. Rudy Vorwurt propose encore d'instaurer des listes bilingues aux élections régionales. Et enfin, il suggère que la région s'occupe elle-même de toutes les compétences bruxelloises bilingues. Et donc aussi de compétences communautaires, d'habitude confiées à la COCOM, une institution qui devrait disparaître, dit-il. Ces propositions ne manqueront pas de faire réagir. Le patron de Bruxelles a rouvert lui-même une belle boîte de Pandore. Des professeurs manquent ce matin dans 13 écoles d'UQ. Ils distribuent des tracts aux automobilistes sur une dizaine de carrefours. Ils protestent ainsi contre le nouveau système de cartes de parking qui entrera en vigueur dans une semaine à UQ. Un système pour lequel il n'y a pas de dérogation pour les professeurs comme cela se fait dans la plupart des communes. Écoutez Renaud Keimelen, il est professeur à Notre-Dame-des-Champs et également délégué CSC. L'objectif est multiple. D'abord, on s'est rendu compte qu'énormément d'habitants et de travailleurs UQ n'étaient pas au courant du plan de stationnement et des conséquences pour eux. Et puis, en même temps, on a un problème avec le montant de la redevance, qui va de 300 à 900 euros, ce qui est énorme pour certains types de travailleurs qui ont des salaires un peu moins élevés quand même. Et puis, en même temps, on nous demande de ne bouger autrement. Et dans cette semaine de la mobilité, c'est important. On n'est pas contre, loin de là. Mais le problème, c'est que UQ a toujours refusé le métro. Et parfois, il faut attendre 20 minutes ou une demi-heure pour avoir des bus. Donc, évidemment, en termes de déplacement, c'est vraiment très dur pour les institutions, ce qui ferait que certains travailleurs souhaitent changer d'établissement. Renaud Keimelen, donc à propos de cette action menée en ce moment à UQ, c'était une interview de Pierre Vandenbulk. Un cote pas comme les autres en ce jour de rentrée universitaire pour certains étudiants. Mettre des personnes âgées et des étudiants sous un même toit, c'est en fait l'idée de l'ASBL Un Toit, Deux Âges. Ces cotes intergénérationnelles se rencontrent de plus en plus à Bruxelles. Ils permettent de combiner contact humain et logement à prix raisonnable. Reportage à Woluwe Saint-Pierre de Baptiste Dupin. Au petit déjeuner, Madame Beaujean et Laure écoutent de la musique classique. On est loin de l'ambiance traditionnelle des cotes. Pour Laure Van Quatem, 23 ans, ce type de logement apporte expérience et confort. Ce qui m'a vraiment séduit, c'est les liens qu'on peut nouer avec quelqu'un qui n'est pas de notre génération et avec qui on peut parler d'expérience. C'est vraiment agréable. De plus, je trouve ça agréable d'être dans un logement qui est bien aménagé, qui est plus spacieux. Marie-Louise Beaujean accueille des étudiantes depuis 6 ans dans son appartement. C'est très agréable, un va-et-vient, tiens, elles montent, tiens, elles ne sont pas là. Ah oui, c'est vrai, elles ont pris congé. Tout ça, ça m'occupe l'esprit, si vous voulez. C'est comme mes enfants. D'ailleurs, je les considère comme mes filles. Un contact, une présence, mais aussi un complément de revenus pour continuer à vivre dans son grand appartement. Une convention est signée entre l'étudiante et la personne âgée. Les prix du logement sont plutôt en dessous des cotes traditionnelles, entre 180 et 300 euros. Claire de Kerotem, responsable de l'ASBL Un Toit, Deux Âges. On ne les abandonne pas dès que la convention est signée. Il y a vraiment un suivi tout au long de l'année. Et voilà, on s'assure que chacun, senior comme étudiant, soit heureux. À Bruxelles, cette ASBL a mis en place près de 200 cotes intergénérationnelles. Ouais, c'était un reportage réalisé ce matin à l'heure du petit déjeuner dans ce cote intergénérationnel. Un petit mot de sport encore pour vous rappeler la victoire d'Anderlecht 0-2 hier face à Genk. Anderlecht qui occupe actuellement la deuxième place du classement. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Vivacité. À 9h, c'est vous qui le dites et trois débats sur la table. Avez-vous de la sympathie pour Bernard Westphal ? Ses amis politiques le disent nombriliste et bourré d'ego. Sa sœur le dit doux et victime d'un lynchage. Avez-vous de la sympathie ? Ensuite, le montant qui frappe. 73% des parents économisent 46 euros par mois pour leur enfant. Est-ce que vous êtes à ce montant-là, 46 euros? Et puis les constructeurs auto nous ont encore menti, plus d'un million de diesel belges qui dégagent plus d'oxyde d'azote qu'annoncé. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à Renault, à Fiat, à Opel, à Mercedes? Marion Jomotte, standard ouvert. Le standard est ouvert, avec Zoé Boss, nous décrochons vos appels et lisons vos SMS au 070-233-466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. N'oubliez pas non plus la page Facebook de C'est vous qui le dites, le débat a déjà commencé. Comment ça roule à 8h37? On va voir ça avec Serge, notre motard Europe Assistance. Serge, rebonjour, toujours un véhicule en panne. Toujours un véhicule en panne, oui, c'est dans le tunnel Léopold 2, direction le Midi. C'est le seul problème, d'après les renseignements que j'ai pris, d'après ce que j'ai pu voir, pas d'accident, mais une circulation assez dense à certains endroits, notamment sur les E40 depuis Vaux-Hauteur-Seine, et puis ça repart un petit peu à Woluwe et Saint-Etienne, et ça recoince de nouveau à la fin, pour arriver à Reyes. On a beaucoup de monde aujourd'hui, beaucoup de monde également sur les E411, déjà depuis Rosières jusqu'à Léonard, et sur le ring, une demi-heure de perdu environ entre Braine-l'Alleud et Léonard, et dans l'autre sens, ring intérieur, d'accord, un petit peu moins, peut-être 20-25 minutes perdues à Strombeek. Merci beaucoup Serge, prudent sur la moto et rendez-vous à 15h dans l'aller-retour bruxellois. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Semainemob.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Séance VIP, une soirée, deux grands films, tous les lundis sur la Une. Ma femme a disparu de notre domicile tôt dans la matinée le 5 juillet. Pas de cadavre, pas d'armes du crime. Leur seul espoir, ce sont des aveux. Tu me demandes si j'ai tué ma femme ? Gone Girl, un thriller psychologique de David Fincher avec Ben Affleck, suivi de Company Men, ce lundi sur la Une. Ce week-end, Vivacité vous invite à la première de l'événement musical de la rentrée parisienne, Les Trois Mousquetaires, le spectacle musical. Avec Olivier Dion, Damien Sargue et David Bann. Les Trois Mousquetaires, retrouvez-les déjà ce soir dès 19h sur Vivacité. Et samedi dès 10h30 dans le Tip Top, Vivacité vous offre vos places pour assister à la première du spectacle le 29 septembre au Palais des Congrès à Paris. Viva Bruxelles et la Une présente. Chaque fois dans le métro, je me dis, essaye le vélo. Faut vraiment que j'innove sur le chemin du boulot. Auto-métro-vélo, je peux aussi marcher. Fallait franchir le pas, oser mixer, bouger. Je me suis dit, Mobile Mix. Du 16 au 23 septembre, semaine de la mobilité. Et le 18 septembre, dimanche sans voiture. Be Mobile Mix, be Brussels. Le Beau Vélo de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Revivez ce 25 septembre, la dernière étape de la saison, celle de Bruxelles sans voiture, comme si vous y aviez participé. Avec les initiations sportives de l'ADEPS, et puis des milliers de beaux héros, escortés par Joël Skoritz et les Magic Systems, dans la capitale la plus verte d'Europe. Ce dimanche après-midi, sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Et tout à l'heure, moment important. Si vous êtes supporter du Standard, écoutez bien ça. Thierry rendra hommage à l'entraîneur d'Anderlecht. Bien sûr. Et pourquoi? Parce qu'il me plaît bien ce gars-là. Je trouve qu'il a de l'audace au bon moment. Il a un discours franc. Ce qui n'est pas toujours le cas dans la corporation, il faut bien le dire. Et ce qu'il a fait hier, il faut le souligner, c'est assez remarquable. Eh bien, j'aime bien votre analyse de professionnel, parce qu'il me plaît bien ce gars-là. J'aime bien cette analyse. Il vous plaît bien ce gars-là? Oui, il me plaît beaucoup, oui. Et, Sarah, il vous plaît bien ce gars-là? Oui. Je n'étais pas en train de vous moquer un peu. Ah non, du tout. Je ne me serais pas permis quand même, monsieur Luters. 8h40, avez-vous regardé la télévision samedi soir de Voice Kids en France? Alors, il y a plein de jeunes Français qui viennent. Et puis tout d'un coup, apparaît un Belge, un petit gars de 14 ans, de Gerpine, qui fait 7 performances en anglais. Il fait du Christina Aguilera, venant de Gerpine, il est là ce matin. Bonjour Amani Pichi. Bonjour. Âge officiel sur la carte d'identité? 14 ans. Alors, parce que je lui demandais pendant la pub, parce que samedi soir à la télévision, j'ai 13 ans, a-t-il dit. Oui. Bon, je suis née au mois de juillet, donc voilà, ça va. Entre-temps, j'ai eu mon anniversaire. Quoi. Ah, 14 ans, je voudrais vous raconter la soirée de samedi soir qui est incroyable. Donc on est dans les blinds en France, il chante, il y a deux buzz, et Matt Pokora ne buzz pas. Et quand son fauteuil se retourne, il dit en français dans le texte, « Je suis sur le cul ». On a l'impression qu'il a raté un truc, il s'en voulait ou pas, Matt Pokora? Je sais pas, mais j'étais content en tout cas qu'il était un peu surpris. À mon avis, il s'attendait à ce que je sois une fille, je sais pas. Il m'a dit what. Enfin, mais voilà, c'était. Ah, il parle anglais, non? Oui. Ouais. Il n'a pas été plus loin que what. Franco-anglo. Oui, oui, mais honnêtement, c'était qui les deux fauteuils que vous vouliez? Est-ce que vous vouliez vraiment Jennifer et Patrick Fiori retourner? Ou vous vouliez les trois ou vous vouliez personne? Moi j'aurais bien voulu les trois, mais oui. Sinon c'était surtout Patrick Fiori. C'était lui que j'avais envie. Ah oui, parce qu'à un moment vous remarquez que d'une question à l'autre je fais tu et vous parfois. Oui, c'est l'âge qui donne. Je mélange qui fait ça. Les deux. Et donc là il faut choisir, c'est le dilemme entre Jennifer et Patrick Fiori. Thierry, vous auriez pris qui vous? Votre avis. Bah oui. Jennifer. Me plaît bien. Jennifer retournée. Non mais on parle de chansons les garçons. Patrick Fiori a quand même une voix, coffre. C'est vrai que Jennifer est très belle, surtout naturelle, très très belle. Mais je veux dire, au niveau, pour m'aider à évoluer, je pense que Patrick Fiori est plus dans mon univers musical. Ah ben alors, on va dans une seconde essayer de comprendre votre univers musical. Juste un mot sur cette phrase. Patrick Fiori, vous êtes plus dans mon univers. Ça veut dire quoi? Quel est votre point commun avec Fiori? Il aime la Corse. La Corse, oui. C'est quoi votre point commun? Le point commun, c'est surtout que dans ce qu'il a fait durant sa carrière et ce qu'il continue de faire, il est fort dans la pop et C'est un mot qu'on utilise, ça veut peut-être rien dire, la pop à voix. Et donc, c'est, je me retrouve plus dans cet univers. Pour Christina Aguilera, Heard, voilà, c'est une chanson. Oui, plus, je vois pas bien le lien entre Aguilera et Patrick Fiori. Hein, oui, non, mais parce qu'il faut d'univers. Il y a Yvette Orlière également, qui, dans le triangle. Ah, qui a beaucoup apporté à l'accordéon. Ça vend qu'à voix, là. Excusez-moi, vous vous moquez d'Yvette Orlière? Ah non, jamais. Jamais, j'adore le pipeau. Ah, j'ai eu peur d'être mal à l'aise. Alors, Amani Pitchi, vous le connaissez peut-être, parce que ce jeune homme est passé par la France, dont La France a un incroyable talent, émission de télé, c'est là qu'il y a un peu de médiatisation. Puis on vous retrouve dans un spectacle musical, Les Bijoux de la Castafiore, oui, au Château de la Hulpe. Mais, avec mon papa, non? Exactement. Eh ben oui. Mais bien sûr, mais je me souviens, mais bien sûr. Mais c'est formidable. Eh ben oui, mais qui faisait Tintin? C'était vous. Mais oui, mais bien sûr. C'était vous. Et alors, ce jeune homme est fan de Céline Dion. Oui. Voici Amani Pitchi dans du Céline Dion. Il tient la note quand même. Allez maintenant, tu as 30 ans. Non, j'en ai 14 et je suis bien avec. Non mais c'est pas possible. Mais c'est incroyable de tenir la note comme ça, c'était sur le plateau du Dan Leto Show. Vous l'avez déjà vu en vrai, Céline Dion? Non, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien la voir une fois, en vrai, pouvoir parler un peu avec elle. Et maintenant, l'école. Et alors, petit bonhomme. Et alors, samedi soir à la télévision en France, dans The Voice Kids, des spectacles avec le père de Warzé au milieu de la nuit. C'est déjà une consécration. et l'école dans tout ça? Eh bien, en fait, je fais l'enseignement à distance. Ouais. Donc, je travaille à la maison. J'organise mon emploi du temps. Je me dis, bon voilà, ce matin, je ne suis pas là, je suis à la radio. Et donc, l'après-midi, je vais faire des maths. Non, mais c'est vrai. Non, la vérité est vraie. Cet après-midi, vous allez faire quoi? Cet après-midi, bien, j'ai prévu de faire de la bio. C'est peut-être pas... De la bio. De la biologie. La biologie. Pas d'écrire sa bio. Pas d'écrire sa bio. Non, mon avis, il y a déjà plus que nous. Ah oui, il y a plus que nous. Non, je vais faire de la biologie. Et voilà, chaque jour, j'organise. Je me dis, voilà, la matinée, je vais faire ça. L'après-midi, j'ai un devoir à faire en maths, mais je vais faire maths. Voilà. Mais vous n'avez pas de prof du tout, alors? Non, je travaille via Internet, avec une plateforme. Il y a des tuteurs qui corrigent mes devoirs, que je renvoie. Et voilà. C'est maman à rebasse de tous les profs. C'est ça. Je me sens pas bien. Moi, je vais aller par là. Non. Mais proposons-nous. Donc Thierry peut faire le cours de gym. Ça me semble plus évident. Ou d'histoire, plutôt dans mes cordes. Non, cours de gym. Sarah pouvait faire cours de quoi, vous? Positive attitude. Il en faut pour les jeunes de deux jours. Elle surveillera la cantine. Moi, je veux faire cours de plongée, moi. Voilà. Et il y a le cours de rien qui sera... on peut y aller. À l'un de vous trois. Et alors, le rêve. Alors, on verra quel est votre parcours dans The Voice, puisque les battles vont arriver la semaine prochaine. Mais le rêve, c'est d'un jour faire un single. Est-ce que le single, ce sera ça? Alors, c'est un titre qui s'appelle Tout peut changer, qui tourne un peu sur Internet. C'est ça votre single? Alors en fait, là, sur la scène que vous voyez, j'ai eu l'occasion d'interpréter Tout peut changer à Forêt Nationale, dans le cadre de l'IFLC. Il a fait Forêt, le mec. Dans le cadre d'un grand festival avec plein d'enfants qui venaient du monde entier. Et donc, c'était le 4 juin. Et voilà, là, Tout peut changer, C'est une chanson inédite, mais c'est une version live. Là, je travaille en studio pour une version studio qui sera assez différente. Entre la biologie et les maths. Ce soir, je suis au Madison Square Garden parce que je chante avec un hologramme de Sinatra, mais la routine, évidemment. Donc. Bon, alors, je dis ça, je dis rien. Samedi soir prochain, devant The Voice Kids sur TF1, il faut bien le dire, parce qu'il y a un petit Belge qui est dans les battles. Merci à Manu Pichy d'être venu. Bravo. Merci. Et ne pas oublier la bio cet après-midi. Oui, je n'oublierai pas. Interrogation. Parce que tonton Benja appellera ce soir. Et le goûter à 16h, on peut le zapper. Dans un instant, qui qu'a dit. Cuisine Créfelle. La TVA 21%, la livraison et le montage offerts, c'est le mois de rêve chez Cuisine Créfelle. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. Conditions en showroom. Le nouveau Mercedes GLC Coupé, un SUV puissant aux allures de coupé pour franchir les montagnes les plus élevées ou les cases vitesses dans votre rue, pour traverser des paysages enneigés ou les flaques devant votre garage, pour explorer les territoires les plus vastes ou le parking du supermarché. Le nouveau GLC Coupé, pour tous les tours et détours. Découvrez-le lors des journées portes ouvertes du 22 au 25 septembre chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Chaque samedi dans les clés de l'actu, le soir décode l'information et explique avec schéma et infographie des sujets aussi variés que l'ONU, la mobilité ou le terrorisme. Parents, enseignants ou élèves, les clés de l'actu sont pour vous. En bonus dans le soir de ce mardi 20 septembre, un poster didactique pour mieux comprendre la Terre, ses structures et ses composantes. Mountain bike à la montagne. Oh, c'est calme ici. Ou plonger dans la mer. Oh, c'est calme ici. Lâchez-vous, profitez de votre voyage, Neckermann s'occupe de tout. Réservez maintenant vos vacances d'hiver et recevez jusqu'à 500€ de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances. Et hop, le bon plan en septembre, c'est d'acheter une Citroën au Garage Pigeon. Garage Pigeon, 50 ans de Citroën, ça forge la confiance. Et durant ce mois de septembre, prime de reprise intéressante. 50% de remise sur les options et des offres alléchantes sur les véhicules de stock. Garage Pigeon, 59 rue Général Le Mans, Heiterbeek. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Le 8-9. Le 8-9 est à Manage. Salut Anne. Bonjour. Et vous qui avez trois enfants, il y en a un des trois qui a déjà fait Forêt Nationale chez vous ? Non, pas encore. Pas encore. Ah, pas encore. Ils ont quel âge les vôtres ? 13 ans, 10 ans et 8 ans. Eh bien, à 13 ans, Manu Pichy a déjà fait Forêt Nationale. C'est incroyable. Ouais. Je souhaite aux vôtres, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de Forêt Nationale ? Bah, en Belgique. Sport Palais. Pas les 12 de Bruxelles ou Sport Palais d'Anvers. Anne, le Kikadi, il y a un cadeau à la clé et un mot imposé à Jean-Luc Fonck. Vous pourrez choisir une seule personne pour vous aider autour de la table. Kikadi, okay. À 18 ans, je me suis laissé guider. J'ai quitté ma province. Oui, je pense à 18 ans, non, c'est je me suis laissé guider. Non. Qui a dit ça ? Qui qu'a dit ? Chimène Badi, qui a démarré très très jeune et qui s'est laissé guider. Céline Dion, qui a démarré très très jeune et qui s'est laissé guider, plus ceci affinité. Ou Lara Fabian, qui a démarré moins jeune, mais qui s'est laissé guider quand même. Vous voulez l'aide de Jérôme, de Thierry ou de Sarah, Anne ? Mais qui a la bonne réponse ? Ah, ça, c'est déjà la bonne question. Ça. Ça, c'est le jeu de la vie. Choisissez une personne pour vous aider. Les chemins sont sinueux. Anne, vous voulez l'aide de quelqu'un ou vous y allez ? Jérôme. Oh, mince, alors, écoutez, ça devient compliqué, le Kikadi, parce que... Trop compliqué. Avant, d'office, on pouvait éliminer quelqu'un. Ouais. Alors là, elles auraient toutes pu se faire guider à 18 ans. Si je peux t'aider, à mon avis, c'est une chanteuse. Mais... Oui, alors voilà, c'est une chanteuse, elle a les cheveux longs, mais... Bon, allez-y maintenant, parce que j'ai un train dans une heure. Il dit Céline Dion, vous êtes libre de ne pas suivre, Anne. Ben, je ne vais pas suivre. Et vous dites qui ? Vous avez raison. Donnez-moi un nom maintenant. Chimène Badi. C'est une bonne... Ouais. Bravo. Ouais. J'ai bien senti que je vous avais guidé. Et ce conseil universel, les hommes mentent. Vous avez bien fait. Je ne mens pas, je ne connaissais pas la réponse. C'est la compile Allez les Diables qui arrivera chez vous à Manage. Ah. Mais ça va être la fête pour mon garçon, ça. Ah ben, il va adorer, il n'y a que des tubes là-dessus. Quel est le mot que vous imposez à Jean-Luc Fonck ? Racagnac. Pourquoi ? Parce que ça, c'est dans une chanson pour enfants des déménageurs, Rakagnac et Big Woody. Voilà, je me suis dit que c'était un mot sympa. Ah, je la connais pas celle-là, je connais. Bonjour, tout va bien. Rakagnac et Big Woody. Ah, pas mal. Big Woody et Rakagnac. Oui. On ne perçoit pas bien la rime. Magnifique, oui. Je me souviens aussi de Eric, Erak, on va skater le baraque. Vous vous souvenez de ça dans les manifs? Mais ça, c'est pas des déménageurs. Hein. Non, c'était les manifs dans les années 90. Anne, bonne journée à Manage, à bientôt. Merci, au revoir. Ciao, ciao. Allez. Dans un instant, le regard sport avec Thierry, l'homme qui aime encore bien, l'entraîneur d'Anderlecht, sais-tu. Besoin de changer vos châssis? Ne cherchez plus. Allez chez Sebati, revendeur Finstral pour votre région. Vous y trouverez les châssis et les portes dont vous rêvez. Ils s'occupent de tout. Visitez les deux showrooms Sebati à Rebec et Braine-l'Alleud. Conditions irrésistibles pendant les portes ouvertes du 24 septembre au 1er octobre. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti, salut. C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique. D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où vous le voulez. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte, tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60€ par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Vivacité et la 2 présente Spa Italia. Le dimanche 2 octobre, vivez une journée 100% italienne sur le circuit de Spa Francorchamps. Exposition d'auto et moto classiques et modernes. Sessions sur piste, parades et bien plus encore. Inscriptions et informations sur spaitalia.be. Un événement DG Sport. Jusqu'à 9h, le 8-9. Vivacité. Question d'intérêt général. Le Parlement wallon vient d'approuver une résolution qui pousse les élus à placer de WC publics gratuits dans un maximum de communes. Comment nommeriez-vous cet arrêté de loi? Bon, alors évidemment, Loulou Godet, Mixion Impossible. Oui, par exemple, Fabrice Mas, le CPAF, un centre public d'aide fécale. Vous voyez, Gigi Massimo, l'arrêté à Flelou. C'est celui-là que vous épinglez. Non, Gigi Massimo, l'arrêté à Flelou, car on va avoir des lunettes gratuites partout et pour tous. Donc voilà. Alors, l'accueil du jour, l'exorcisme. L'exorciste du Vatican est mort. Non. Si. Quelle serait l'épitaphe inscrite sur sa tombe? Bon, répondez sur la page Facebook du 8-9 et regardez bien la photo, elle est délicieuse. C'est sur la page Facebook du 8-9 et sur vivacité.be, vous avez toute la revue de presse. C'est l'équipe qui commente la presse de ce matin, notamment la photo du roi qui fait du vélo hier dans la capitale. Délicieux. Il est 8h54, Thierry, c'est le regard sport et vous démarrez par un coup de chapeau, non pas à l'ensemble de l'équipe belge de Coupe Davis qui a battu le Brésil ce week-end des Comans 4-0, mais bien à M. Darcy. C'est M. Darcy. Ensemble aussi, quand même, parce qu'il reste en zone mondiale, ce qui était l'objectif. Et bravo à la paire de Loeb et Melmans, parce qu'ils ont battu une solide paire brésilienne du top 10 mondial. Mmh. Mais Steve Darcy, c'est quand même un cas particulier. Il a 31 ans, c'est un gars qu'on croit toujours fini, mais qui, tel le phénix, renaît toujours de ses cendres, revient dans le top 100 mondial, passe un tour ou deux dans des grands chelems. Et alors, avec la Coupe Davis et Darcy, c'est une belle et longue histoire d'amour. Il y a 11 ans qu'il joue pour l'équipe belge. Ouais. C'est une valeur sûre, c'est un peu Mister Coupe Davis. Il a gagné son match face à Bellucci vendredi, vengeant ainsi l'échec de Goffin contre le même joueur au jeu de Rio. Et donc, la Belgique et reste dans la zone mondiale, connaîtra son adversaire jeudi prochain. Et je ne suis pas sûr qu'il va encore jouer à domicile, parce que là, ils viennent d'avoir 6 matchs à domicile. Le tirage a été assez favorable, mais bon, ça fait partie aussi du sport. Ouais, et blague à part, parce qu'on va parler de foot, mais là, il y a un vrai collectif. Hein. Ils sont incroyables collectivement, il y a une émulation collective dans cette équipe. Et il y a un rassembleur qui est le capitaine, Johan Vaner, qu'il fallait aussi mentionner son nom. Ouais, que toute la presse d'ailleurs dit qu'il se révèle en capitaine, plus qu'en joueur d'ailleurs. Absolument, absolument. On a trouvé là une dream team en tennis, waouh. Le football maintenant. Anderlecht donc jouait contre Genk ce week-end. 0-2, victoire des Anderlechtois. Et alors l'entraîneur qui a multiplié les choix audacieux. C'est un hommage à René Weiler. Ouais, il me plaît bien moi ce gars-là. René Weiler, c'est un entraîneur suisse-allemand. Yannick, c'était un challenge pour Anderlecht et pour lui, parce qu'on ne le connaissait pas bien. Il était à Nuremberg en deuxième division. Oui, c'est un petit, c'est bonne pointure. 43 ans, carrière modeste de joueur. Il avait aussi entraîné à Aro en Suisse. Et puis, bon, voilà, il a envie de tenter la grande aventure dans un plus grand club. Pour l'instant, ça réussit très bien. Évidemment, il a un solide noyau, une solide attaque. On voit Rbaoui ici à sa disposition. Mais hier, il a fait un coup de poker qui a réussi à 0-0. Il a retiré le médian défensif Badji pour introduire un attaquant supplémentaire, Rbaoui, qui a marqué. Ce n'est pas, à mon avis, ce qu'auraient fait ses prédécesseurs à Anderlecht, qui étaient du style plutôt frileux. Et d'ailleurs, à propos de prédécesseurs, Besnikazi a fait long feu, puisqu'il a été viré déjà au Legia Varsovie. C'est rare un entraîneur qui fait des changements tactiques en cours de route aussi judicieux, parce que c'est rare que vous épingliez des changements. Mais c'est parce que c'est un choix tactique audacieux, je trouve que c'est bien, parce que en plus, quand ça réussit, ben, c'est d'autant mieux pour le coach, quoi. Il peut s'en targuer. Il vous plaît bien, ce gars-là, monsieur De Warze? Mais écoutez, c'était un peu un vent neuf, je trouve, la corporation d'entraîneur. C'est pas l'entraîneur type qu'on a l'habitude de voir ici en Belgique. Et en plus, je reconnais, on a eu de la chance, parce que Gang a très bien joué en première période, donc il a été très, très humble et très lucide dans son discours d'après-match. Alors attention, on va éviter le courrier de plainte. On a fait Anderlecht, on fait un peu le Standard maintenant, parce que là, il y a une histoire incroyable. Donc au Standard, on oublie de mettre le joueur Scholz sur la feuille des inscrits. On oublie d'inscrire un joueur. Il y a eu une erreur administrative, il y a eu un manque de communication visiblement entre les ressources humaines et la cellule sportive du club. Il faut savoir que c'est une nouveauté maintenant dans le championnat de Belgique. Comme en Coupe d'Europe, les clubs sont tenus à l'issue du mercato fin août de rentrer une liste de 25 joueurs qui vont jouer toute la saison. Sauf que vous avez la faculté aussi de faire une liste évolutive match par match, ce qui est le cas pour le Standard puisqu'il y a un noyau pléthorique de 33 joueurs. Donc cette liste est revue au coup par coup. Mais là, ils avaient oublié de réintroduire Scholz dans la liste parce qu'il n'avait pas joué le match précédent, étant suspendu contre Genk, et donc le coach a appris le jour même qu'il ne pouvait pas aligner son défenseur dans l'air, qui est un excellent joueur. Donc le mec arrive, il va en tribune. Ah, il était en tribune, et heureusement pour le club, ça n'a pas prêté à conséquence, parce que je pense sinon qu'il y aurait eu quelques sanctions en interne. Même incroyable quand même, Sarah. Les mecs oublient de mettre un gars sur la liste du tribune. C'est surréaliste, surtout qu'il n'est pas tout seul le coach. Il y a T3, T4, T12, T13. T1000, c'est le Terminator. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Ah non, cette histoire est incroyable. Et puis on termine par un hommage rapidement, Thierry, à tous ces athlètes paralympiques, puisque les Jeux paralympiques sont terminés. On a quand même ramené 11 médailles. Bravo. C'est un bilan 11 formidable. Médailles. 11 médailles, dont 5 en or. C'est vraiment fantastique. Bravo à tous les athlètes. Là, on voit Joachim Gérard. C'est aussi mon petit coup de cœur, médaille de bronze dans l'épreuve du tennis. Mais franchement, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi les images. C'est quand même. C'est là qu'on prend la notion de dépassement de soi-même dans le sport. Elle prend toute sa définition. Ah ben c'est là qu'on voit un peu l'enthousiasme. Je trouve là où les athlètes professionnels sont, si pas blasés, professionnels. Ouais. En tout cas, vous avez vu l'enthousiasme le dans les images. Mais d'ailleurs, ils ont mis des structures très professionnelles autour de l'équipe et les résultats. Il y avait plus de monde quasiment dans les tribunes dans certaines compétitions que pour les valides. Et avec une vraie médiatisation télévisuelle pour une fois. Chapeau les gars, 11 médailles, on est fiers. C'était le 8-9 de ce lundi. Ce week-end, Vivacité vous invite à la première de l'événement musical de la rentrée parisienne, Les Trois Mousquetaires, le spectacle musical. Avec Olivier Dion, Damien Sargue et David Ban. Les Trois Mousquetaires, retrouvez-les déjà ce soir dès 19h sur Vivacité. Et samedi dès 10h30 dans le Tip Top, Vivacité vous offre vos places pour assister à la première du spectacle le 29 septembre au Palais des Congrès à Paris. Avoir toujours la température souhaitée à la maison, c'est simple avec Box, Denji Electrabel. Caroline, c'est une nouvelle semaine après les fêtes de Wallo, après le dimanche en voiture. À quelle sauce on est mangé? Eh bien, on va être mangé à deux sauces. Il y en aura un peu pour tous les goûts, puisqu'on aura pas mal de nuages, mais petit à petit, des éclaircies qui arriveront dans le courant de la matinée. Même chose pour cet après-midi, une alternance entre passages nuageux et éclaircies. Peut-être une petite ondée, mais ce sera très local, principalement sur l'extrême ouest du pays. Côté température, on perd 1 ou 2 degrés par rapport à hier, entre 15 et 20 degrés. On va garder ce type de temps pour demain et après-demain également, avec toujours la même fourchette de température, 15 à 20 degrés. Bienvenue sur Viva, il est 9h. Sébastien Pierret pour le journal, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bernard Westphal prend donc place en ce moment dans le box des accusés de la cour d'assises de Mons. Le procès de l'ancien député wallon va démarrer d'ici quelques minutes. À son arrivée ce matin, Bernard Westphal s'est dit serein et déterminé, impatient aussi de pouvoir livrer sa vérité. C'est aussi l'avis de son ami de toujours, Gentil. Maintenant on est au pied du mur, enfin. Ça a été très dur, ça a été très long. On s'est fait quand même pas mal canarder les derniers jours. avec un certain nombre de fuites de documents, mais l'essentiel pour nous, et c'est pour ça que vous le voyez relativement serein,